Le temps est une donnée importante en évolution. Il est donc important de pouvoir le mesurer. Mais comment faire? Il faut une horloge presque aussi précise que les horloges suisses. Et comme les horlogers n'existaient pas au temps des dinosaures, il est nécessaire d'utiliser des indices laissés par la nature elle-même. Marco va nous expliquer quelles horloges sont utilisées par les scientifiques pour dater les fossiles et les roches. Nous sommes le mercredi 1er février et vous écoutez Podcast Science. Bonsoir, c'est Hélène qui sera la tenancière ce soir pour le numéro 71 ou 71 de Podcast Science. Et bien sûr, je ne suis pas toute seule, donc il y a Marco. Salut Bonsoir. Hélène, comment ça va? Ça va? Et Alan. Salut tout le monde! Bravo Hélène pour le 71, c'était parfait. On précise d'emblée que Franck est puni ce soir pour ne pas avoir dit 70 la semaine dernière. Non, c'est pas vrai. C'est pas pour ça qu'il est puni, c'est parce qu'on va essayer de s'organiser pour faire l'émission à 3 plutôt qu'à 4. Ce sera sans doute plus simple pour nos auditeurs. Voilà, mais il est là, il est pas loin, il est avec nous, il va certainement commenter. Oui, c'est sûr. Donc aujourd'hui, on va parler de méthode de datation avec Marco. Oui, exactement. Bon, ben, on va y aller tout de suite, hein, puisqu'on risque d'être pressé par le temps. Bien, donc, un paléontologue, ben, c'est un peu comme un détective qui arrive après coup sur les lieux d'un crime. Alors, pour savoir précisément quand des événements se sont produits, il se fonde sur les traces que laissent certains processus liés au temps. Pour étudier l'évolution, donc, il faut quelque chose qui ressemble à un chronomètre qu'on peut faire démarrer. Il faut que l'horloge évolutive en fait soit à zéro à un certain moment pour qu'on puisse calculer le temps qui s'est écoulé depuis un point de départ. Et justement, les horloges radioactives utilisées pour dater les roches ignées, c'est-à-dire les roches volcaniques, sont mises à zéro au moment où la roche se forme par solidification de la lave en fusion. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Aussi, il existe toute une panoplie d'horloges naturelles qui recouvre un spectre très large d'échelles de temps et dont les gammes du champ se recouvrent parfois, ce qui permet de vérifier l'exactitude de chacune avec une autre. Il existe par exemple des horloges radioactives qui pourraient mesurer des fractions de secondes, mais pour ce qui est du domaine de l'évolution, les horloges les plus rapides dont les paléontologues ont besoin mesurent plutôt des siècles. Et à cette extrémité du spectre des horloges naturelles, on trouve donc la datation au carbone 14 et la dendrochronologie. Donc, qu'est-ce que la dendrochronologie? Alors, Bonne déjà, question. décomposons le mot. Chronologie, je pense que tout le monde connaît, c'est chronos, le temps, le logos, l'étude. Et dendro, c'est l'arbre. Donc, la dendrochronologie est en fait l'étude, enfin la science qui étudie, qui date à partir des arbres. Donc, c'est très utile en archéologie. À l'autre extrémité du spectre se trouvent des horloges qui sont capables de mesurer des centaines, voire des milliards d'années. Donc, on va commencer justement par évoquer la dendrochronologie. C'est une technique de datation qui est très précise, puisqu'elle permet en fait une datation à l'année près. Son principe est très simple et il est assez connu, puisque tout le monde a sûrement entendu dire que les cernes des arbres, c'est-à-dire en fait les cercles concentriques que l'on voit en coupant le tronc, indiquaient l'âge de l'arbre si on les comptait. Alors je ne sais pas pour vous, Alan et Hélène, mais moi quand j'étais plus jeune, je me suis souvent demandé en fait si c'était pas encore une vieille légende urbaine qu'on racontait. Et puis le jour en fait où je me suis décidé à vérifier, ben, j'étais heureux de constater que c'était vrai. Donc on peut effectivement mesurer le temps avec les cernes d'arbres. D'accord, donc c'est pas comme l'âge des coccinelles ou l'âge des Voilà, pommes, exactement. Je pensais ce exactement à genre de choses. ça aussi. Hein? Ouais, moi j'ai. J'assimilais à ça pareil, je me suis dit c'est peut-être comme les coccinelles, c'est une sorte de légende, mais non, c'est vrai. Ouais, moi j'avais Voilà. vu en fait quand j'étais allée au Canada, il y avait des grands troncs de séquoia qui étaient coupés, qui étaient des très vieux arbres. Et il marquait justement les différents moments, juste les différentes dates importantes, genre la découverte de l'Amérique, des choses comme ça. C'était donc là on voyait bien. C'était assez sympa. Ouais, tout à fait. Bon, donc continuons. Un arbre vivant donc produit du bois grâce au côté interne de sa couche de cambium. Alors je vous expliquais ce que c'est que le cambium. En fait, c'est un tissu végétal en fait qui fait la limite entre le bois et l'écorce. Et cambium vient d'ailleurs de mots qui signifient du latin en fait cambio, qui signifie j'échange. Voilà, donc c'est une sorte de tissu qui fait l'interface entre le bois et l'écorce. Cette couche de cambium, en fait, donc le côté interne, c'est ce qui produit les cellules du bois et donc qui entraîne l'augmentation de son diamètre. Généralement, les arbres produisent leur bois entre le début du printemps et la fin de l'été. Si on observe les cernes, on remarquera qu'il y a une partie claire et une partie plus sombre. Alors la partie claire correspond en fait au début de la saison, donc généralement au printemps. C'est la période où en fait où l'eau est le plus disponible. Donc en fait les cellules de xylème, c'est-à-dire les cellules de bois qui sont produites à cette période, ont un diamètre en fait qui est plus large et une paroi cellulaire qui est plus mince. Par contre, le bois qui est produit à la fin de la saison, hein, donc c'est-à-dire plutôt vers la fin de l'été, sont des cellules qui sont plus petites avec une paroi cellulaire qui est plus épaisse, ce qui donne en fait une couleur plus foncée. Et donc une fois que la saison de reproduction, enfin de production de bois est terminée, le cambium stoppe sa production de cellules et rentre dans un état de dormance jusqu'au début du printemps suivant. Donc ainsi, une année est représentée par un cerne qui possède une partie sombre et une partie claire. Donc je précise quand même que là il s'agit d'un principe général, quoi. C'est-à-dire que c'est un cas d'école, c'est dans une région où la différence entre les saisons est marquée, et pour une espèce d'arbre, comme les conifères par exemple, où la différence entre les parties claires et les parties sombres est bien marquée également, parce que c'est pas le cas pour tous les arbres, et parfois pour observer cette différence, il faut avoir recours à un microscope. Donc pour faciliter l'explication, on va s'en tenir simplement à un principe général. Voilà, donc la croissance d'un cerne aussi dépend beaucoup des conditions météo qui varient d'une année à l'autre. Donc grosso modo, les sécheresses vont retarder la croissance et une bonne année en pluie va l'accélérer. Si bien qu'au final, on va faire un schéma de cerne large et mince dans une région donnée qui va résulter d'une séquence particulière de bonnes et mauvaises années et suffisamment caractéristique pour qu'on puisse les reconnaître d'un arbre à l'autre. Cette D'accord, empreinte en fait. donc si j'ai bien compris, en fait, non seulement on a un cerne par année, mais en plus le cerne est différent d'une année à l'autre. On peut savoir de quelle année il s'agit, c'est ça? C'est ça, voilà, grosso modo, c'est ça exactement. Waouh. En fonction des conditions météo, ben, l'évolution du cerne va être différente. On peut même connaître la météo de la saison, enfin, si c'était sec ou humide. Voilà, exactement. Pratiquement, oui, c'est ça. Et donc, au fil des années, on obtient une empreinte qui constitue une sorte de code-barre. Et grâce à ce code-barre, en fait, donc qui identifie en fait dans un espace de temps donné et une région donnée. On peut, en remontant un robot, établir les empreintes de cernes caractéristiques de temps antérieur. Par exemple, on va donner un exemple pour expliquer mieux. On va prendre un arbre qui vivrait aujourd'hui et qui aurait 50 ans. Si on observe ces motifs de cernes, on va en déduire en fait à quoi ressemblent les motifs sur les 50 dernières années. On va admettre aussi qu'on possède une carotte d'un arbre quelconque hein, de la même région qui a été établie il y a 30 ans, alors que cet arbre avait à ce moment-là 60 ans. Donc comme cette carotte date d'il y a 30 ans, le motif de cerne sur les 20 dernières années avant le carottage doit se retrouver en fait sur les 20 premières années de notre arbre moderne qui lui a 50 ans. Vous me suivez? Oui. C'est pas facile à suivre comme ça. Ils ont 20 ans où ils vivaient tous les deux en même Voilà, temps, donc. on essaie de faire correspondre en fait le même motif là de 20 ans. Donc ainsi, cela va donner le Donc, attends, oui. concrètement, moi j'aimerais bien visualiser le truc pour être sûr d'avoir bien compris. Tu Oui. prends par exemple une période qui va de, je sais pas, 1950 à 2000. Tu prends un Oui. arbre qui est né en 1950, tu regardes ses 30 premiers, ces 30 premières années via les 30 premiers cernes. Oui. Donc ça va t'amener jusqu'en 1980. Et Et ça, puis si c'est tu ça. prends... Ouais, mais attends, je suis mal barré avec mon arbre qui est né en Ouais, 2000, là. c'est ça. Et si tu as un arbre, par exemple, qui a vécu aussi entre 1950 et 1980, mais qui est né bien avant, mettons 40 ans avant, qui est né dans les années Ouais, c'est ça, 1910, ouais. tu vas pouvoir faire correspondre en fait les motifs de cerne, et tu vas pouvoir ainsi en déduire, ben, tu vas te retrouver en fait avec le motif de cerne pour la région donnée. Au lieu d'avoir sur 50 ans, tu l'auras sur 50 plus 40, 90 ans, quoi. Ouais, ok. Voilà. D'accord, c'est ouais, ça c'est clair comme ça, on voit bien. Voilà, et puis ainsi de suite, par chevauchement de restants d'arbres pétrifiés ou de bois qui sont utilisés dans des constructions anciennes, ben tu peux établir le motif de cerne caractéristique d'une région donnée. Donc théoriquement, si se trouvait à notre disposition suffisamment de forêts pétrifiées pour réaliser une chaîne continue vers le passé, on pourrait remonter jusqu'à plusieurs millions d'années. Et si bien qu'au lieu de dire ben, cet arbre date du Jurassique par exemple, ben, on pourrait dire cet arbre date de l'an 151 432 657 avant Jésus-Christ. Voilà. Mais dans Ça la serait pratique, c'est sympa. pas possible. Voilà, ça c'est seulement théorique parce que dans la pratique, ben, il n'existe pas de chaîne ininterrompue. Et avec la dendrochronologie, ben, on remonte seulement à environ 11 500 ans, quoi. Et est-ce que tu sais si ces 11 500 ans, c'est la chaîne la plus longue qu'on ait enfin, dans dendrochronologie, ou si c'est plus une moyenne sur différentes régions Non, c'est le temps maximum qu'on arrive à remonter D'accord. actuellement à partir de. Donc bon, c'est pas une technique donc qui est utilisée pour la paléontologie, hein, mais pour l'archéologie. C'est déjà sympa, hein, quand même. C'est déjà sympa. Mais bon, c'est vrai que théoriquement, on pourrait aller bien plus loin. Après, il suffit juste d'avoir ce qu'il faut à disposition, quoi. Voilà donc pour les cernes des arbres. Par contre, les cernes des arbres donc sont pas tout à fait le seul système en fait qui permet ce type de datation précise à l'année près. Il y a également les varves qui sont en fait des couches de sédiments qui se déposent dans les lacs glaciaires, donc dans le nord de l'Europe ou en Scandinavie. Hein. Et comme les cernes des arbres, eh ben, elles varient selon les saisons. Durant l'été, en fait, la sédimentation est plus active à cause de l'alimentation par les eaux des fonds des glaciers. Et cela dépose en fait une couche claire. Allô? Vous Oui, m'entendez? on t'entend, Ah, on ok. t'entend. Ça dépose une couche claire. Ah, d'accord, excusez-moi, j'ai eu peur, j'ai eu un truc bizarre à l'écran, excusez-moi. Je continue, donc ça dépose une couche claire. Par contre, l'hiver, ben, c'est une couche plus foncée qui se dépose. Donc, comme de la même façon que pour la dendrochronologie, on a une alternance couche claire, couche sombre qui permet de différencier les années. Et ça forme une varve et on y applique le même principe. De même, il y a aussi les récifs coralliens qui ont aussi des cernes annuelles de croissance. Et donc, exactement comme les arbres, on va pouvoir les dater à l'année près, quoi. Et Donc, ouais, enfin moi je pensais aussi à la glace en fait dans tout ce qui est glacier et la glace des pôles et aussi. couches, les glaces des pôles où ils retrouvent comme ça des strates par année avec Ouais, bah en fait, la neige qu'ils font, enfin qui fait différent. dès que tu as un processus annuel comme ça qui permet de faire la différence entre les années, tu peux. Bon, c'est vrai qu'à chaque fois, tu ne remontes pas très loin dans le temps, hein, faut être honnête. On n'utilisera jamais ces méthodes pour faire de la paléontologie, quoi. Mais maintenant, on va passer donc aux horloges radioactives qui, elles, peuvent remonter beaucoup plus loin dans le temps. Et contrairement en fait à la dendrochronologie, les horloges radioactives sont pas précises. Elles sont précises en fait seulement à une marge d'erreur qui est à peu près proportionnelle à l'échelle de temps concernée. Généralement, la marge d'erreur est de l'ordre de 1%. Donc, pour comprendre avant comment fonctionnent les horloges radioactives, il faut d'abord comprendre ce qu'est un isotope radioactif. Il existe environ 100 éléments. Donc un peu plus si on compte ceux qu'on décèle uniquement en laboratoire et un peu moins si on compte que ceux qu'on trouve dans la nature. Et chaque élément possède son atome caractéristique. Donc trois types de particules entrent dans la composition de l'atome. Il y a celles qui forment le noyau et qui sont presque de même taille. Donc ce sont les protons et les neutrons. Et puis il y a les électrons, qui sont beaucoup plus petits. Le nombre de protons est fixe pour un élément donné. Ce nombre, c'est le nombre qu'on appelle le nombre atomique. Et il est caractéristique d'un élément, en fait. Donc l'élément qui a le numéro atomique 1, c'est l'hydrogène, parce qu'il est constitué d'un proton. Le 2, c'est l'hélium, parce qu'il est constitué de deux protons. Le 3, le lithium. Le 4, le béryllium, etc. Donc, puisqu'on est en train de parler de nombre atomique, est-ce que vous voulez que je vous donne une phrase mnémotechnique pour retenir la première ligne du tableau périodique? Ah ouais, moi j'aime bien tes Ouais, phrases. Voilà, c'est dans le génial même de dire cette style, phrase. dans le même style que pour les périodes géologiques, il y a une petite phrase, c'est, alors je vous donne la version soft, hein, ça fait lise, bêche bien chez notre oncle Fernand Nestor. Donc c'est jamais des phrases très philosophiques, hein, mais c'est simplement pour mieux retenir. Donc lise. L'église, c'est le lithium, Li ouais. lithium, bêche. Le Le beryllium. beryllium. Beryllium, Beryllium. bien. Bor. Le boron, boron, boron. Le bore, voilà. Le Chez, beurre, donc, pardon. c'est le carbone. Ok. Voilà. Notre, ah, il y a un piège, notre. C'est l'azote. L'azote, Ouais, c'est ça, voilà. exactement. J'allais me faire avoir Donc, avec nitrogène, mais c'est azote en français. voilà, T'as donc, raison. etc. Oncle Fernand Nestor, donc ça fait oxygène, fluor et néon. C'est trop Voilà. fort, j'adore ça. Donc Voilà, et puis lise bon, il y a un. bêche bien chez notre oncle François Nestor. Voilà, donc ça c'est la version soft où on utilise ces bêches, voilà, parce qu'il y a une version plus hard en fait. Et cela ne nous regarde pas. Ouais, Voilà. sais pas, bizarrement, c'était l'autre version que j'avais en cours. La deuxième version est plus connue. Et puis après il y a la ligne du dessous, je crois que c'était Napoléon mangea allègrement six poulets sans claquer d'argent. Donc là pareil, on retrouve en prenant les premières lettres les symboles des éléments. Voilà. Donc, on continue sur cette petite interlude. Donc, à la différence des protons, en fait, les neutrons ne permettent pas d'identifier un élément. Si, en fait, les atomes d'un même élément peuvent se présenter sous différentes versions. Ce sont ces versions, en fait, qu'on appelle des isotopes. Pour un élément donné, le nombre de protons reste donc constant, et c'est le nombre de neutrons qui varie. Certains éléments, en fait, comme le fluor, n'ont qu'un seul isotope, se rencontrent dans la nature. Alors pour le fluor, donc comme on l'a vu tout à l'heure, son nombre atomique c'est le 9 et son nombre de masse c'est 19. Et donc le nombre de masse, je ne l'ai pas explicité, je crois, c'est ce qui correspond en fait au nombre d'éléments du noyau, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc comme je vous ai dit que le fluor avait un nombre atomique de 9 et que son nombre de masse était 19, vous en déduisez que le nombre de neutrons est de 10. Exactement, Yes. bravo Hélène. Voilà. Par contre, il y a d'autres éléments qui ont un grand nombre d'isotopes. Par exemple, le plomb, il en a 5 en fait qu'on rencontre couramment. Ils ont donc tous le même nombre de protons, qui est 82, puisque 82 est le numéro atomique du plomb. Mais leur nombre de masse, par contre, varie entre 202 et 208. Donc ce qui fait 120 neutrons jusqu'à 126 neutrons. Si tu le dis. J'aurais pu vous faire faire le calcul, mais bon, j'ai été sympa, j'ai abrégé. Ouais, c'est gentil. Voilà. Mais bon, l'information importante en fait à savoir pour comprendre le principe des horloges radioactives est que certains isotopes sont stables, alors que d'autres sont instables. Pour le plomb, par exemple, en fait, le plomb 204, le plomb 206, le plomb 207 et le plomb 208 sont stables. Par contre, le plomb 202 est lui instable. Instable, en fait, ici, ça veut dire que le noyau de l'atome peut se transformer spontanément en un autre atome à tout moment. En fait, c'est synonyme de radioactif. Donc, il existe plusieurs types de radioactivité. Il y a d'abord, en fait, ceux qui transforment un neutron en proton ou inversement un proton en neutron. Donc, on les appelle radioactivité bêta plus ou bêta moins. Hein. Plus scientifique. Et cette modification, donc, si vous avez bien compris, elle n'entraîne pas de changement du nombre de masses, puisque le proton et le neutron ont sensiblement la même masse. On appelle ça donc une transformation isobarique. Par contre, le nombre atomique est modifié, et l'atome devient en fait un élément différent. Si par exemple le neutron se transforme en proton, ben le numéro atomique va augmenter, alors que si un proton se transforme en neutron, il va diminuer. Donc, pour donner un exemple pour illustrer, il y a si on prend le cas du sodium 24, donc le sodium a le numéro atomique de 11, donc il a 11 protons, 13 neutrons, il va se transformer en magnésium 24, qui lui a 12 protons et 12 neutrons. Donc en fait, c'est un neutron qui se transforme en proton. D'un certain côté, on pourrait dire que c'est ce que cherchaient les alchimistes quand ils voulaient changer le plomb en or, en fait. Voilà, ils Oui, cherchaient la radioactivité pour c'est pouvoir ça, sauf changer que le nombre pour. atomique. Tout à fait, sauf que plomb, ben, ça marche pas comme ça. C'est bien Ouais. dommage. Bah, ils sont un peu loin quand même, hein. Mais en même temps, si c'était aussi simple, l'or ne vaudrait peut-être pas ce qu'il vaut. Voilà, donc il y a un autre type de radioactivité pour lequel cette fois-ci un atome éjecte une particule qu'on appelle particule alpha et qui est composée cette fois-ci de deux protons et deux neutrons. Donc on appelle tout simplement cette radioactivité la radioactivité alpha. Et la conséquence de cela, c'est que le numéro atomique, cette fois-ci, va diminuer de 2, puisque l'élément va perdre deux protons, et le nombre de masses, lui, va diminuer de 4, puisque avec les deux protons, il y a également deux neutrons. Donc un exemple de radioactivité alpha, c'est la transformation de l'isotope d'uranium 238 en thorium 234. Donc en fait, uranium, c'est numéro atomique 92, le thorium c'est 90, donc on voit bien qu'il perd 2 protons, 238, 234, voilà, il perd 4 masses. Donc on arrive à un autre point crucial, c'est que chaque isotope radioactif a un rythme de décroissance qui lui est propre. Certains rythmes sont plus lents que d'autres, mais quoi qu'il en soit, en fait, ils se font toujours de façon exponentielle. C'est-à-dire que ce n'est pas une quantité fixe qui se transforme en un temps donné, mais c'est une proportion fixe. Et la mesure en fait, que l'on préfère utiliser pour mesurer le taux de décroissance, c'est la demi-vie. C'est-à-dire en fait, le temps qu'il faut pour que la moitié de ces atomes se transforment. Et cette demi-vie en fait, reste la même, quelle que soit la quantité d'atomes restants. D'où en fait, le terme exponentiel. Voilà. Alors pour donner quelques exemples, on a par exemple la demi-vie du rubidium 87 qui est de 49 milliards d'années. Et à l'opposé, on a celle du fermium 244 qui lui a une demi-vie de 3,3 millisecondes. Vous voyez un peu l'extrémité. Attends, t'as dit le rubidium, 49 milliards d'années? 49 milliards d'années. Milliards? Milliards, Mais notre univers n'en compte que, c'est quoi, 13,7 ouais. depuis le Big Bang? Comment est-ce qu'on peut savoir des trucs pareils? Comment peut-on savoir des trucs pareils? C'est une bonne question. C'est-à-dire que on mesure tout simplement. Alors je vais te donner un exemple parce que je me suis posé la même question que toi, figure-toi. Donc j'avais préparé un petit calcul sur l'uranium 238 justement. Donc qui a pas une demi-vie de 49 milliards d'années, mais qui est quand même très longue puisque c'est 4,5 milliards d'années. Donc imagine que tu as 1 mg d'uranium 238. Si tu mesures en laboratoire en fait sa radioactivité, tu vas constater qu'il émet à peu près 550 particules alpha par minute. Donc c'est un chiffre, bon, c'est peut-être pas trop parlant comme ça, mais 1 mg d'uranium, ça veut dire qu'il a en fait 4,2 10 puissance moins 6 mol, donc c'est très petit, tu vois. Ça fait 2,50 10 puissance 18 noyaux d'atomes d'uranium en fait. Donc là c'est un chiffre énorme. Donc 550 particules alpha par minute par rapport à 2,5 10 puissance 18, mais tu vois que c'est un rythme très lent. C'est D'accord, extrêmement j'ai lent quoi, compris. c'est insignifiant même. C'est insignifiant, donc ce qui fait que si tu calcules là la demi-vie à partir de ces données, c'est-à-dire quand est-ce que les 2,52 10 puissance 18 noyaux vont se transformer, enfin pour la moitié, en thorium d'ailleurs, tu as 4,5 milliards d'années. Ouais, ok, j'ai Voilà. compris. Donc ça, c'est une Bon, on mesure que tu fais en a... laboratoire. C'est une mesure qui est faite en laboratoire. Tu peux la vérifier, comme je disais tout à l'heure, tu peux vérifier par d'autres horloges qui se chevauchent. Et puis, tu as d'autres techniques de mesure de temps aussi qui permettent de vérifier les horloges, quoi. D'accord. Peut-être juste pour finir sur la question que j'ai posée là, sur le rubidium 87 qui met combien d'années, t'as dit? Combien de milliards? 49 milliards d'années? 49 milliards d'années, ouais, Ouais, exactement. alors il y a Franck dans la chatroom qui essaye de nous assister et qui dit, par exemple, on prend une population de 49 milliards d'atomes Ouais. et il y en a un qui se désintègre par année. En fait, ce serait un demi par année, hein, parce qu'on parle de demi-vie. Au bout Oui, de voilà, c'est. 49 milliards d'années, il en reste la moitié, c'est ça, tout n'a pas disparu. Mais finalement, c'est aussi assez parlant comme exemple. Oui, voilà, c'est pas et 49 milliards d'atomes, c'est pas énorme, hein. C'est insignifiant, hein. Ouais, bien sûr, ouais. Insignifiant. Donc tu vois que pour un milligramme d'uranium, tu vois, on est en 10 puissance 18. Bon, voilà. Pourtant, un milligramme, c'est tout petit. Donc c'est surtout que sur des grosses masses, tu as déjà des valeurs qui sont plus parlantes et qui permettent d'extrapoler sur des temps plus longs, quoi. Ouais. Ok, bon, on a bien compris le principe. C'est super clair, merci beaucoup. Voilà, donc on parlait de demi-vie, donc le fermium 3,3 millisecondes. La demi-vie du carbone 14 dont on va parler tout à l'heure, lui c'est 5730 ans. Et donc ce qui est parfait aussi pour effectuer des datations sur des temps archéologiques. Par contre, un isotope qui est beaucoup utilisé, le potassium 40, qui lui a une demi-vie de 1,26 milliards d'années. Donc, vous comprenez pourquoi il est beaucoup utilisé. Ça correspond à peu près à des temps géologiques. Oui. Donc, le potassium 40, lui, décroît en argon 40, en fait, qui se situe en fait juste en dessous dans le tableau de Mendeleïev. Hein. Donc, le tableau de Mendeleïev, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est en fait le tableau de classification des éléments. Hein. La fameuse table périodique. Voilà, c'est ça la fameuse table périodique que l'on retient avec des phrases stupides. Voilà, mais pas si stupide que ça, elles sont pas mal Alors, ces c'est juste phrases. des phrases mnémotechniques. Ouais. Vous Donc devez quand de tu la dis grande que littérature. l'élément, c'est celui d'à côté ou celui d'en dessous, en fait, il est effectivement juste à côté dans le tableau. Oui, c'est ça, parce que le potassium, c'est 19, son numéro atomique, et l'argon, c'est 18. Ouais. Tu nous Voilà, redonnes ta donc phrase magique? la phrase magique, la première phrase, c'était Lise bêche bien chez notre oncle Fernand Nestor. Ah, c'est bien. Donc ça, c'est la première ligne, c'est ça où il y a le fluor. Même sous stress, là, même avec la surprise, tu t'es pas fait avoir. T'en as bien donné la bonne version. Félicitations, t'es très pro jusqu'au bout. En même temps, j'ai marqué que celle-là, tu vois, pour être sûr de. Voilà. Donc on parle du potassium 40 et argon 40. Et donc tout simplement, cette horloge, on l'appelle horloge potassium-argon. Donc si on imagine en fait que l'on a une certaine quantité de potassium dans un espace fermé et qu'il n'y a pas d'argon en fait au départ, au bout de quelques centaines de millions d'années, un scientifique qui découvre cet espace fermé et qui va mesurer les proportions relatives des deux éléments, hein, va pouvoir en fait, en connaissant la demi-vie, il va pouvoir estimer le temps qui s'est écoulé depuis le début du processus. Donc, comme toutes les horloges radioactives qu'utilisent les géologues, l'horloge potassium-argon ne fonctionne qu'avec les roches ignées. Donc, ignée, en fait, ça vient du latin ignis ou ignis, je n'ai jamais trop su comment on disait en fait, qui signifie le feu. D'accord. Voilà, alors pourquoi me direz-vous? Ouais, Ben, pourquoi? pourquoi? Pourquoi? Mais je vais vous le dire. Ah. Tout simplement, en fait, parce que les roches ignées se solidifient à partir de roches en fusion, donc qui sont magma souterrain pour le granit, hein, ou lave des volcans pour le basalte. Et cette solidification se fait sous forme de cristaux. Et plusieurs d'entre eux, en fait, contiennent des atomes de potassium, dont une certaine proportion sont des atomes radioactifs de potassium 40. Et au moment où la roche en fusion se solidifie, donc du potassium 40, mais surtout il n'y a pas d'argon. Et c'est ce qui est très important parce que c'est ce qui permet en fait de mettre l'horloge à zéro. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, et s'il y avait de l'argon en fait, ben, il n'aurait pas été possible d'utiliser cette horloge, à moins que l'on connaisse les quantités initiales d'argon et de potassium, ce qui est a priori pas trop possible. Ouais. Enfin, à la limite, là, à ce moment-là, on connaît quand est-ce qu'elle s'est formée, quoi. On arrive à savoir les quantités initiales. On Si t'as l'observe les depuis le quantités début. initiales, oui, tu. Mais bon, c'est le plus simple en fait, c'est d'avoir d'être sûr qu'il n'y a pas de d'argon, quoi. Voilà. Donc l'horloge, en fait, on dit qu'elle est à zéro dans le sens où il n'y a pas d'argon initialement. Et par la suite, la quantité d'argon qui s'accumule, en fait, en fait, est une mesure du temps qui s'est écoulé depuis que la roche s'est formée. Mais cette quantité, elle a de sens que si elle est exprimée comme le rapport entre le potassium 40 et l'argon 40. Quand l'horloge était à zéro, en fait, ce rapport il était de 100% en faveur du potassium 40. Au bout de 1,26 milliard d'années, ce rapport sera de 50-50, puisque 1,26 milliard d'années, c'était la demi-vie. Donc la moitié s'est transformée. Au bout des 1,26 milliard d'années suivantes, le rapport sera de 25% de potassium contre 75% d'argon. Voilà, puisque c'est la moitié restante qui se transforme. Voilà, et ainsi de suite. Donc, lorsque les géologues en fait mesurent le rapport potassium-argon dans une roche ignée en fait, qui ramasse aujourd'hui, ils peuvent déduire quand la roche a commencé à se cristalliser. Cette explication, en fait, ça concerne l'horloge potassium-argon, hein, mais ça concerne en fait toutes les horloges que l'on peut trouver dans les roches ignées, parce que c'est pas les seuls éléments radioactifs qu'on voit. Et le fonctionnement resterait le même. Hein. Ouais, et puis là, on a bien compris le principe. Voilà, C'est excellent. c'est potassium argon, c'était juste un exemple Ouais. particulier pour expliquer un principe général, quoi. Et donc, on D'accord. comprend bien que c'est une question de proportion, c'est pas le nombre d'atomes en lui-même, quoi. Comme c'est exponentiel, c'est de la proportion, donc. C'est ça, ouais. Ce qui est important, en fait, c'est la proportion, hein. C'est pas le nombre. Tout à Donc, fait. il faut bien qu'il y ait une quantité de. Enfin, ce en quoi l'atome radioactif se transforme, il faut bien que ça soit zéro au départ, puisque c'est une question de proportion, donc. Ouais, voilà. Le fait qu'il soit zéro, ça fixe une valeur, quoi. Si c'était pas zéro, si c'était aléatoire, bon, voilà, il faudrait connaître la valeur de départ et ça, c'est a priori pas possible. Mais les fossiles, en fait, ils ne se forment pas dans les roches ignées, hein. Les fossiles se forment dans les roches sédimentaires, comme le calcaire ou comme le grès, par exemple. Et les roches sédimentaires, ce sont des couches de boue, de limon ou de sable qui se déposent en fait peu à peu au fond d'une mer, hein, ou d'un lac. Le sable va se compacter en fait avec le temps, puis durcir sous forme de roche. Et les cadavres en fait qui sont pris dans cette boue, hein, en fait, dans ce sable, ont alors une petite chance de se fossiliser. Alors, elles contiennent probablement du potassium 40, hein, et d'autres éléments radioactifs qui pourraient servir d'horloge. Mais le problème en fait des roches sédimentaires, c'est que les particules de sable qui sont compactées ont des origines diverses. En fait, elles ont été certainement concassées à partir de roches ignées qui se sont solidifiées à des moments différents. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, en fait, chaque grain de sable a une horloge qui s'est mise à zéro à son propre moment, quoi. Et Ouh, un on peut moment pas s'en qui était. servir là. Donc, on ne peut pas s'en servir. Donc, le mieux qu'on puisse faire, en fait, c'est de dater les roches ignées qui se trouvent à proximité de la roche sédimentaire ou qui D'accord. sont éventuellement enfouies à l'intérieur. Alors, tout autour du monde, on trouve des couches de roches sédimentaires qui présentent de grandes similitudes et qui correspondent par conséquent à la même période. Ces couches en fait, avaient été identifiées bien avant la découverte des datations radioactives et on leur avait donné des noms comme Cambrien, Ordovicien, et puis vous allez me dire la suite. Ah, ça sent la petite phrase magique là. Si vous vous souvenez de la phrase. Attends, ouais, je l'ai noté. Cambronne ordonna silence et dévouement à ses carabiniers permissifs, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc c'est Cambrien, Ordovicien, Cambrien, Ordovicien, Silurien, Silurien, Dévin, Dénovien, Dévonien, Dévonien, ouais. Dévonien. Carabinier, c'est quoi le Carbonifère, Carbonier, Carbonifère, Carbonifère, ouais. c'est Et ça. et Permien, Permien. Permien. Permien. Très bien. Yeah. Bravo. Donc, toutes ces périodes, en fait, se reconnaissent à l'œil nu dans les parties dans toutes les parties du monde, hein, parce qu'elles sont similaires et elles contiennent les mêmes types de fossiles. Donc en fait, les géologues connaissaient depuis longtemps l'ordre dans lequel les sédiments se sont déposés, mais simplement ils ne savaient pas quand. On savait en fait par exemple que les fossiles du Cambrien étaient plus anciens que ceux de l'Ordovicien. Et comme l'ordre relatif des strates est bien connu et que le même ordre se retrouve tout autour du monde, eh bien, on peut se servir des roches ignées qui sont juste au-dessus ou juste en dessous des strates sédimentaires ou qui sont encastrées, mais pour dater ces strates. Et donc, a fortiori, les fossiles qui renferment. On sait donc, d'après les datations des roches ignées que l'on retrouvait, associées à des roches du Dévonien, que cette période a commencé il y a environ 410 millions d'années et elle s'est terminée il y a environ 360 millions d'années. D'accord. Voilà. Voilà, voilà pour les roches radioactives. Par contre, avant de passer à la suite et au carbone 14, on va s'intéresser, on va faire une petite remarque justement sur ces horloges radioactives. Une petite remarque qui constitue un argument de poids en fait en faveur de l'ancienneté de la Terre. Quoi? Elle n'a pas 6 000 ans, la Terre? Eh bien non, et tu Exactement. vas voir pourquoi d'ailleurs. Tu vas voir pourquoi. Donc, on dénombre en fait 150 isotopes stables et 158 isotopes instables. D'accord? Donc, sur les 158 instables, il y en a 121 qui ont soit quasiment disparu de la Terre, ou alors qui existent encore, mais parce qu'ils se renouvellent constamment. Or, si on regarde en fait les 37 qui n'ont pas disparu, on remarque en fait que chacun d'eux, sans exception, a une demi-vie inférieure à 700 millions d'années. Et si on regarde les 121 qui ont disparu, mais chacun d'eux, sans exception encore, a une demi-vie qui est inférieure à 200 millions d'années. On comprend donc en fait que les seuls isotopes que l'on trouve sur Terre, ce sont ceux dont la demi-vie est suffisamment longue pour avoir survécu sur une vieille planète. Waouh, Ah. ouais, Voilà. effectivement. Et donc là, on dit paléontologue 1, créationniste 0. Bon, en même temps, c'est un sujet de Marco, c'est normal. Voilà, ça fait toujours plaisir. Bon, allez, redevenons sérieux un peu. On va passer au carbone maintenant. OK. Donc, le carbone 14, enfin le carbone d'ailleurs, c'est l'élément qui semble le plus indispensable à la vie. De par sa capacité en fait à former des chaînes, des anneaux, et puis différentes architectures moléculaires complexes. C'est par les plantes en fait qu'il entre dans le réseau alimentaire et plus précisément en fait par la photosynthèse. Tout le carbone en fait qui est présent dans tous les êtres vivants vient en fin de compte du dioxyde de carbone de l'atmosphère par l'intermédiaire des plantes. La plus grande partie en fait du dioxyde de carbone de l'atmosphère est fait de carbone 12. Qui n'est pas radioactif. Mais quelques-unes de ces molécules, à environ en fait une sur 1000 milliards, sont constituées en fait de carbone 14 qui lui est radioactif. Les plantes par contre, elles ne font pas la différence en fait entre le carbone 12 et le carbone 14. Elles absorbent donc en fait du carbone 14 en même temps que le carbone 12. Elles intègrent ces deux types de carbone dans leur sucre. Ainsi, en fait, le carbone 14 va se répandre rapidement à l'échelle des temps biologiques dans la chaîne alimentaire. Et tous les êtres vivants, que ce soit les plantes, les herbivores ou les carnivores, vont avoir la même proportion de carbone 12 et de carbone 14 qui est celle de l'atmosphère. Donc, à la mort en fait de la créature vivante, l'horloge pour la datation va se mettre à zéro. Parce qu'à cet instant, elle se coupe de la chaîne alimentaire et donc d'un afflux nouveau de carbone 14. Oui, mais elle a quand même une pro... Enfin, Oui, non. Le carbone Oui? 14, il se transforme en quoi déjà? Je sais Le pas. carbone 4, il se transforme en je sais plus. C'est une bonne question. C'est pas grave. Bonne question, je sais même pas si c'est important. Je plus. Tu me poses une bonne question là. Bon, c'est pas grave. On y revient tout à l'heure. Là, tu m'as pris de court. Je vais essayer de trouver. Ok, je disais quoi, je sais plus. Je disais juste que donc quand vous me perturbez là, vous me perturbez. Ça va être possible là. Franck revient. Franck, il s'amuse dans la chatroom, là, il commente. Il nous dit que le carbone 14 se transforme en Zoro la nuit. C'est justicier masqué. Là, écoutez, c'est pas sérieux, on peut pas continuer dans ces conditions. Allez. Donc, oui, voilà, je disais en fait que quand la créature, quand l'être vivant, hein, ça peut être aussi un arbre, mourait, il se privait en fait de nouvel afflux de carbone 14. Et donc, ainsi, l'horloge radioactive se met à zéro. Et à mesure que les siècles passent, bah, la quantité de carbone 14 va diminuer progressivement jusqu'à que la quantité soit trop infime pour qu'on puisse la mesurer. Mais si cette créature est retrouvée et testée avant ce moment, alors la proportion de carbone 14 et d'azote 14, eh ben voilà, je suis Bah bête. oui, ouais, moi j'étais en train de trouver l'information en même temps, effectivement. Voilà. Et d'azote 14 ben, serviront à la dater. Donc, Donc le carbone 14 se transforme en azote 14. j'ai, j'hésitais à le dire, mais il me semblait que c'était ça, mais je croyais que c'était l'inverse en fait. Mais l'azote 14, en fait, c'est l'azote normal, non, si je me souviens bien. Ah, oui, Again, c'est challenge ça. accepted. Non, mais Ouais, c'est bon, j'ai c'est pas besoin d'y aller l'azote. alors. En fait, j'hésitais à te le dire, azote 14, parce que je me suis dit, non, mais je crois que c'est le carbone 14 est formé à partir de l'azote 14. En fait, on va le voir plus tard, mais en fait, oui, il revient à son état, on va dire, initial, quoi. Il se Ouais, retrans effectivement. Voilà, donc c'est à partir de la proportion entre carbone 14 et azote 14 qu'on peut dater en fait la mort de l'animal. L'azote 14 est l'état normal de l'azote. Et en fait, comme on disait tout à l'heure, il y a un proton qui se transforme en neutron ou inversement. Donc voilà, il faut noter en fait pour que cela fonctionne, il faut qu'il y ait un stock de carbone 14 qui se renouvelle continuellement. Sinon, il est évident que tout le carbone 14 de l'atmosphère en fait aurait disparu depuis longtemps de la Terre. Donc effectivement, c'est le cas puisque le carbone 14 en fait est continuellement fabriqué dans l'atmosphère grâce à un processus en fait qui se réalise en deux étapes. Donc dans un premier temps, on a les rayons cosmiques qui vont frapper les atomes de l'atmosphère, qui vont éjecter en fait des neutrons. Et dans une deuxième étape, en fait, certains de ces neutrons vont alors frapper les noyaux d'atomes, les noyaux d'azote 14, qui est en fait le gaz le plus répandu dans l'atmosphère, et ils vont éjecter un proton. Ainsi, l'atome d'azote conserve donc le même nombre de masses, hein, 14, mais il a perdu un proton. Il a plus 7 protons et 7 neutrons, mais il aura 6 protons et 8 neutrons. Donc on obtient du carbone 14. Et Wow. donc là, voilà, et c'est ça, c'est que la radioactivité après du carbone va faire que ce neutron en plus va se transformer en proton et on retrouve l'azote 14 au départ. Mais il faut, enfin, comme l'azote 14, c'est le, enfin, c'est l'azote qui est le plus courant en fait, et que c'est ce qu'il y a le plus dans l'atmosphère et qui se retrouve, doit bien se retrouver aussi un petit peu dans notre organisme. Comment, enfin, du coup, c'est pas vraiment à zéro comme tu nous disais pour le potassium, puisque en fait, l'azote, il y en a déjà au moment de la mort de la créature, donc la Mais là, proportion. dans ce cas de figure, on va pas chercher à trouver l'azote, on va chercher à trouver ce qui reste de carbone 14. Non, mais c'est la proportion de carbone, C'est enfin, la non? proportion entre carbone 12 et carbone 14 qui est intéressante en l'occurrence. D'accord. Si j'ai tout bien compris. D'ailleurs, en parenthèse, je vous signale que sur Twitter à l'instant, Loïc nous renvoie à un lien Wikipédia. C'est le cycle carbone-azote-oxygène. Il y a toute une page qui y est consacrée. Je vous lis juste la première ligne d'intro. Qui nous dit le cycle carbone-azote-oxygène ou cycle CNO avec les symboles chimiques parfois appelés cycle de Bethe ou cycle de Bethe-Weizsäcker est l'une des deux réactions de fusion nucléaire par lesquelles les étoiles convertissent de l'hydrogène en hélium. L'autre réaction est la chaîne proton-proton. Enfin, je vous laisserai découvrir le reste de l'article, mais c'est assez intéressant parce que finalement ça nous révèle l'origine du carbone, d'où est-ce qu'il sort initialement avant de se retrouver dans l'atmosphère. Super bien, merci beaucoup Loïc. Ok, alors par contre, juste pour te corriger, Alan, c'est bien, on mesure bien le rapport entre le carbone 14 et l'azote 14. Ah, bah dans ce cas-là, effectivement, En fait. je suis Mais comme ce qu'il y a, Hélène, j'ai c'est pas que compris. la chose, c'est que l'azote 14, en fait, n'est pas radioactif, lui. Et en fait, il reste constant, ce qui fait que il n'est pas à zéro, puisque mais il va rester constant, lui. Donc si tu connais la teneur en azote 14 de l'atmosphère, D'accord, oui, enfin non, pas de l'atmosphère non, parce que ça sera pas un bon exemple, mais il sera constant, il va rester constant au cours du temps dans la créature que tu vas sur laquelle tu vas mesurer le taux de carbone 14 en fait. Voilà. Oui. Donc en fait la valeur, elle a pas vraiment d'importance ici. Enfin, c'est un peu plus subtil à expliquer, mais tu vas poser deux équations avec ton azote 14 initial et ton azote 14 final. Enfin bon, c'est un peu plus subtil, mais on l'expliquera peut-être plus tard quand on aura mis ça au propre. Mais D'accord. en tout cas, c'est bien le taux de carbone 14 et d'azote 14 qu'on compare, quoi. Ouais, on a Franck qui nous rappelle à l'ordre dans la chatroom en nous disant Ouais. que ce qui compte, c'est la décroissance du carbone 14. Voilà, c'est Oui. ça le Parce principal. que, ouais, du nouveau carbone 14 n'est jamais intégré après la mort de Voilà, la créature. exactement. Voilà. Donc cette décroissance d'ailleurs s'effectue à un rythme en fait qui est à peu près constant au cours des siècles. Alors je dis précise bien à peu près seulement, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui vont influencer en fait ce rythme, et surtout la teneur initiale en carbone 14, qui est jamais constante dans l'atmosphère, hein, peut être influencée par l'activité solaire. Donc ça c'est pour l'atmosphère en général, mais également aussi par des essais nucléaires, si on parle de l'activité de l'homme, ou par exemple, j'aurais mis dans le dossier, il y a un graphique sur ce qui s'est passé après Tchernobyl, où on voit un énorme pic de carbone 14 après l'explosion de l'usine. Donc voilà, donc il est à peu près constant ce rythme, mais au début du podcast, on a parlé de dendrochronologie, qui elle est une technique de datation qui est précise à l'année près. Et grâce à cette technique, on va pouvoir en fait, on va pouvoir calibrer la datation au carbone 14 et en déduire en fait les fluctuations du stock de carbone 14 dans l'atmosphère et ainsi obtenir des résultats de plus en plus précis. Ok, et puis donc il faut qu'on tienne compte de l'activité de l'homme maintenant quand on mesure le... Ben, l'activité de l'homme, mais même avant, sans l'activité de l'homme, par exemple, les éruptions volcaniques pouvaient influencer Ouais. ou même le magnétisme terrestre aussi. Le magnétisme terrestre peut influencer la teneur en carbone 14, des variations dans le cycle du carbone, hein, par exemple, des modifications de courant océanique. Voilà, donc il n'y a pas seulement l'activité de l'homme, mais c'est vrai que l'activité de l'homme a une grosse importance. Dans cette variation. Et puis Ok. ben, on arrive à la fin de ce dossier. Et puis pour finir ce dossier, ben, rien de tel qu'un exemple de datation de carbone 14. Et puis on va prendre l'exemple le plus célèbre et peut-être aussi le plus sujet au débat, On puisque te voit venir c'est. gros comme une montagne, là, vas-y. Ouais. Puisqu'il s'agit de la datation du suaire de Turin. Voilà, Et j'aurais pu gagner un pari. donc tout le monde sait de quoi il s'agit, hein, le suaire de Turin. Donc beaucoup de gens espèrent en fait qu'il s'agit de la marque de Jésus. Donc ça pourrait très bien être la marque du Père Noël, hein, pourquoi pas, je sais pas, pour ceux qui croient au Père Noël. Alors il est cité pour la première fois en fait dans l'histoire en 1350. Donc rien de tel en fait que la datation au carbone 14 pour dater la mort du lin qui le compose. Alors le Vatican a autorisé en fait le prélèvement d'une bandelette qui fut divisée en trois parties. Chacune était envoyée à un grand laboratoire spécialisé dans la datation au carbone. Un se trouvait à Oxford, un autre dans l'Arizona et un troisième à Zurich. Donc, Cocorico Suisse encore. Donc, trois laboratoires qui ont travaillé de façon totalement indépendante. Alors, les résultats, Oxford a trouvé une date d'environ 1200 après Jésus-Christ, Zurich 1274. Et l'Arizona, 1304. Donc un petit D'accord, peu donc pour. ça se tient quand même, c'est grosso modo la même période dans les trois quarts. C'est la même période, et puis ben, en tenant compte des marges d'erreur normales, ben, cela est tout à fait compatible avec la date de 1350, qui est la date pour la première apparition du sphère de Turin, pardon, dans l'histoire. Ok. Voilà, alors bien évidemment, ben, la controverse n'est pas finie dessus, puisque certains remettent en cause en fait cette datation, alors non pas au niveau de la technique. Ça, personne conteste la technique, hein. Mais c'est surtout au niveau de la contamination qu'aurait pu subir le suaire, et notamment lors d'un incendie qui a eu lieu en 1532. Donc c'est difficile d'évaluer si effectivement il y a eu contamination. On pourrait penser que le suaire bah, était bien protégé et qu'une contamination n'aurait pas forcément donné des dates si cohérentes, hein. Mais ben, cela, c'est une autre, et ben, moi, personnellement, je ne m'avancerai pas plus loin dans le débat. Voilà. Je Ouais, préfère voilà, en c'est rester bien, là c'est sage. avec Mais alors, ces juste infos. qu'on comprenne bien cette histoire de contamination, donc ce qui se serait passé, c'est que l'horloge radiocarbone du tissu aurait été remise à zéro au moment de cette contamination, c'est ça? Ben, pas forcément à zéro, mais ce qu'il y a, c'est que ça donne un apport dans le carbone qui est contenu dans les fumées. Il y a une certaine partie de ce carbone qui est radioactif, et donc ça fait un apport de carbone 14. Donc du coup, ça déréglerait l'horloge. Mais après, il faut prouver que le suaire a été effectivement en contact avec de la fumée. On peut se dire, bah, peut-être pas, parce que bon, le sueur, il traînait peut-être pas au milieu du salon, quoi. Ok, Bien. écoute, on va en rester là pour ce scrum. Je pense, de toute façon, le débat, comme tu l'as dit, est pas tranché. Ouais. Hélène, qu'est-ce qu'on fait Mais c'était maintenant? bien d'en parler, je pense. Maintenant, on va écouter le pitch de l'émission la semaine prochaine. Donc c'est Franck qui l'a fait, et grâce à la technique, on va quand même pouvoir l'entendre alors qu'il est puni, qu'il n'est pas avec nous. Allez, bah, voilà, donc c'est en fait rapidement, bah, c'est le retour sur la mémétique. Je vous laisse enfin, découvrir ce pitch. Mémétique ou théorie évolutionniste des phénomènes culturels, vous en souvenez-vous? Nous avons fait une émission à propos de cette théorie le 11 janvier dans Podcast Science numéro 68. Nous y avons découvert entre autres que les mêmes éléments de code culturel reproductibles pouvaient se répliquer par imitation, quelquefois un petit peu à notre insu, comme les modes vestimentaires qu'on suit sans trop savoir pourquoi, juste pour faire comme les autres. Mais la mémétique ne parvient pas à théoriser sensiblement l'évolution de ces mèmes au sein de nos cultures, à l'heure actuelle tout du moins. Alors comment comprendre que certains la défendent et la promeuvent encore? Quels sont les arguments qui les poussent à y croire, à agir pour la mémétique? Nous avons invité pour ce prochain numéro Pascal Jouxtel et Charles Mougel, deux pointures de la mémétique francophone. Pascal Jouxtel est fondateur de la Société francophone de mémétique et auteur de Comment les systèmes pondent, le livre et le blog. Charles Mougel est président de cette même association. Après en avoir appris un peu plus sur ces deux personnages, nous tenterons de comprendre quelle place ces connaisseurs souhaiteraient donner à la mémétique dans la science et plus généralement dans la société, et sur quelle objectivité ils fondent ces revendications. Rendez-vous donc mercredi prochain à 20h30 pour cette interview de nos deux méméticiens. À la semaine prochaine! Bah dis donc, un peu plus d'une minute pour ce pitch. Bon, il avait plein de choses à dire, on lui pardonne. Ouais, non, c'était intéressant, donc c'est pas grave. Comme on est un peu en retard, on va passer directement à la quote. Et donc. Et Ça, c'est. c'est du gang. Ouais, et c'est toi, Alan, qui t'y colle. Ouais, alors moi c'est une quote, bah, c'est un petit peu facile en fait. Mathieu m'a laissé en héritage sa liste de quotes que je ne partagerai pas avec vous, bien sûr, c'est à moi, rien qu'à moi. Et puis je suis allé taper dedans et j'ai trouvé des merveilles. Alors j'en ai pris une presque au hasard en fait, parce qu'il n'y a que des choses bien. Selon la tradition de Mathieu, je vous la fais en anglais et puis on va essayer de la traduire. Ça dit ceci: The good thing about science is that it's true. Whether or not you believe in it. Et c'est de Neil deGrasse Tyson. Quelqu'un se lance pour la traduction? Ouais, alors ce qui est bien dans la science, c'est que c'est vrai que tu crois ou non. Enfin, Exactement. Y ou non. Qu'on y croit ou non, c'est toujours vrai. Magnifique, hein? Ouais, pas mal pour une phrase d'un boxeur. Hein. Ah non, c'est pas un boxeur, Neil deGrasse Tyson. Ah bon, Tyson, c'est pas. C'est moi pas aussi, un j'ai cru. Non, non, c'est un formidable astrophysicien dont je ne me rappelle plus exactement des fonctions. Il est. Ah, flûte. C'est le directeur voilà, du planétarium Hayden. De l'American Museum of Natural History à New York. C'est un type formidable, c'est un génie de la vulgarisation. Il est vraiment excellent. Donc, ouais, pas un boxeur, rien à voir. Et puis, c'est tout pour ma quote. Hélène, de quoi est-ce qu'on parle maintenant ? Eh ben, on va faire un rapide tour sur la vie du podcast, puisqu'il y a quelques petites nouveautés, encore une fois. Ça n'arrête donc jamais en ce moment. Ouais, effectivement. Bon, faut dire que Franck y est pour beaucoup. Il n'arrête pas avec les nouveautés. On a parfois toujours un peu des bonnes idées. Exactement. On a un peu de mal à suivre, mais c'est cool. Moi, j'adore cette dynamique. Tout d'abord, on peut désormais noter les dossiers sur le site. Donc, on peut mettre des petites étoiles. Et puis les dossiers les mieux notés apparaissent dans la barre latérale. Alors pour nous, c'est évidemment super intéressant. Et pour vous, chers poditeurs, c'est pas très compliqué, quoi. Il n'y a qu'à cliquer sur l'étoile. Vous n'êtes pas obligé de remplir toute une déclaration pour nous faire un retour. Donc si jamais, n'hésitez pas. Ce serait cool, on apprécierait beaucoup. Vous avez toujours le droit de faire des retours un peu plus longs. Hein. C'est aussi intéressant. Mais... Ah ouais, bien sûr. Donc voilà, et puis sinon, donc c'était toujours une initiative de Franck qui a donné la possibilité aux poditeurs de voter sur les prochains sujets. On a un sujet qui semble se dégager, c'est celui du nombre pi, donc qui avait été demandé par un de nos jeunes auditeurs, Arnaud Aliès. Alors je ne sais pas qui va se dévouer, mais enfin voilà, maintenant c'est fait, on sait que c'est ce que veut le public. Du coup, il va falloir que l'un d'entre nous s'y attelle. Alors on va faire ça bientôt. Je suis content parce que le deuxième sujet presque ex aequo, c'est comment nourrir 7 milliards d'humains. Ça, c'est un sujet qui m'inspire vraiment. Je propose de prendre le deuxième, d'accord? Quelqu'un se dévoue pour le premier? Ouais, alors on n'a pas un ami mathématicien qui a l'air motivé pour nous faire des sujets? Absolument, si, si, si. C'est Nico Tup. Exactement. Ouais. C'est Nicolas. Je pense qu'il serait intéressé pour le nombre pi. Ouais. Il vient dans 15 jours nous parler de l'infini. Et puis, bah, effectivement, pourquoi pas, on sera l'invitation à ce moment-là. Pourquoi ne pas venir nous parler de pi ? Ah ben ouais, s'il est intéressé. Ouais. Bon, sinon on le fera. Hein. Faut pas nous... Ouais, sinon on se dévouera. Ouais. Il n'y a pas que la perspective mathématique. Je pense que la perspective historique aussi sur pi est vachement intéressante. Ouais, il y a plein de choses. Ouais, il n'était pas assez parfait selon certains. Si j'ai bonne mémoire, c'était Pythagore, non ? Qui aimait pas beaucoup pi parce que voilà, c'était pas un chiffre rond. Mais ouais, non, c'est une très bonne idée d'en parler. C'est un sujet passionnant. Et puis, autrement, dans les petites infos de la vie du podcast encore, on est désormais diffusé sur podradio.fr. Donc, c'est un portail de podcast francophone de qualité. Alors, merci à eux de nous avoir accueillis sur le portail. Donc, on peut nous entendre le lundi matin à 9h30 et le samedi à 11h30, juste après Niptech. D'ailleurs, c'est très rigolo, nos amis de Niptech, qu'on vous recommande. Hein. Donc là, vous pouvez faire d'une pierre deux coups le samedi matin, vous faites votre matinée podcast, hein, Niptech et Podcast Science droit derrière. Donc c'est le samedi à 11h30, c'est sur podradio.fr, podradio.fr. Et bienvenue aux auditeurs qui nous découvriraient par ce canal. On va pas se présenter aujourd'hui, mais on se présentera à l'occasion. On se présente tout le temps ces temps. Hein. Et puis, ben là, je crois qu'on arrive gentiment au bout, n'est-ce pas, Hélène ? Bah oui, effectivement. Ouais, bah pour une fois, on aura le temps de dire au revoir. Voilà, ouais, on va pas le dire au revoir à l'arrache. C'est bien mettre le générique en entier. En entier, on n'y arrivera pas, il dure 5 minutes quand même. Mais bon, on aurait eu plein d'autres choses à dire, mais on n'a pas le temps. On a eu plein de retours sur les derniers numéros, Podcast Science 69, Podcast Science échéance 70 ou 70, notamment dans les commentaires du dossier du 70. On a tout un débat justement sur la numérotation à la française ou à la francophone, avec des interventions de professionnels. C'est super intéressant. C'est une bonne raison de se rendre sur le site. Et puis là, je crois qu'on a vraiment grillé le temps. On n'a plus que le temps de se dire au revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir à tous. Bye bye.